jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée du 4 mars 2022. Voici les grands titres. Le retard qui s'observe dans la distribution de l'engrais produit par l'entreprise FOMI serait dû aux spéculations des distributeurs selon les propos du directeur commercial au sein de la dite entreprise. L'afflux des vagues du lac Tanganyika démolit certaines maisons du quartier Kanyihoko de la ville Lumonge et les victimes de ces vagues demandent une assistance. Au cours de ce journal, vous allez suivre la chronique éducation à propos de l'estime de soi et de la sous-estimation d'un apprenant. Voilà pour les titres. Vestine Boutoué, je suis à la présentation de ce journal. Eric Ouimana assure la mise en onde et bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, le premier vice-président Gaston Sindimo, candidat du parti Prona aux élections présidentielles, a déposé le dossier exigé par la Commission électorale et nationale indépendante CENI ce mercredi. Dans une conférence de presse animée après le dépôt de son dossier, Gaston Sindimo interpelle les Burundais à cohabiter pacifiquement et avec respect, malgré les différences idéologiques, et pour préparer un bon avenir à travers les prochaines élections. Suivez-les au micro d'Ezekiel Ndikumenay. Nous demandons aux Burundais de garder leur calme et surtout la sérénité. La sérénité parce que aujourd'hui, si tout le territoire du Burundi est tranquille, c'est parce que l'administration, le gouvernement et les Burundais ont travaillé d'arrache-pied pour maîtriser la paix et la sécurité. Nous demandons aux Burundais qu'ils gardent leur sécurité et surtout que dans leur diversité politique, restent toujours les Burundais. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se croisent sur cela et que tous unis, nous allons bâtir un pays démocrate et un pays paisible. Donc, nous demandons à tous les Burundais d'être unis autour de ces élections. Gaston Sindimo est le quatrième candidat aux élections présidentielles, a déposé son dossier à la Commission électorale et nationale indépendante CENI. L'usine FOMI, qui produit de l'engrais organominéral au Burundi, affirme que sa production est suffisante pour satisfaire les agriculteurs burundais. C'est ce qu'affirme le directeur commercial de cette usine. Il fait savoir que le retard qui s'observe dans sa distribution serait dû aux distributeurs qui vident les stocks en faveur des commerçants pour le revendre à un prix exorbitant aux agriculteurs. Nyonkuri Egide demande à l'administration de s'impliquer davantage pour traquer ces spéculateurs fidèles d'Antoine Sabiman. Selon Egide Niukuri, directeur commercial de l'usine FOMI, l'usine produit la quantité suffisante et suivant la commande faite par le ministère ayant en charge de l'agriculture dans ses attributions. Concernant la commande de cette saison, le ministère a commandé 21 000 tonnes. Au moment où nous sommes, on a déjà dépassé 85%, peut-être qu'on est même à 89%, on est presque à la fin. J'ai donné même le délai jusqu'au vendredi de cette semaine, on aura terminé avec l'expédition de toutes les quantités concernant l'engrais qu'on appelle FOMI Imbura. Concernant les autres types, l'urée ou Totaza, la semaine prochaine, on aura terminé avec la livraison. La date limite, c'est le 15. Jide Niukuri déplore qu'il s'observe des distributeurs de l'engrais organominéral qui créent des ruptures des stocks en faveur des commerçants qui le revendent à un prix exorbitant. On a constaté qu'il y a quelques spéculations au niveau des commerçants ou les distributeurs qui effectuent le travail de distribution de nos engrais. Lorsqu'on envoie une quantité quelconque, il y a les distributeurs qui sont malhonnêtes, qui au lieu de distribuer ces engrais aux agriculteurs, conservent pour créer ce qu'on appelle la rupture de stock. Le directeur commercial de FOMI demande aux administratifs de s'y impliquer davantage pour décourager les commerçants spéculateurs. Ils ont traqué les commerçants de Gitega, ils ont aussi attrapé les commerçants de Mubanza et je conseillerais à ce que ce ministère continue à procéder à ce travail noble dans tout le pays. Au ministère de l'Environnement, Agriculture et d'Élevage, il confirme cette fraude et précise que certains distributeurs, en l'occurrence celle de Gitega et Mubanza, sont déjà sous les verrous. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le journal continue aux yeux de la radio Isanganiro. Les habitants de la zone urbaine d'Obuyenza, la 8e avenue, demandent avec insistance que les immondices jetés au bout de cette avenue soient enlevés. Ils craignent d'être attrapés par les maladies liées au manque d'hygiène. Ces habitants disent qu'ils ont déjà soumis cette question aux autorités administratives et ces derniers n'ont pas jusqu'à aujourd'hui réagi. Le reportage de Jean-Marie Mayong. Ces immondices se trouvent à la 8e avenue de la zone Buyenzi à Mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité se lamentent et craignent d'être attrapés par les maladies causées par le manque d'hygiène. Ici, l'eau qui descend comme ça, là, Anahangwa, si c'est débordé, ça pénètre dans nos maisons. Des fois, nous voyons des véhicules qui viennent déposer ces immondices, qui cherchaient une autre place. Nous sommes gênés, car là où il y a des immondices, ça dégage des odeurs nauséabondes. Nous avons des inquiétudes car nous pouvons être attaqués par des maladies. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de prendre la question en main. Nous demandons que ces immondices soient enlevés. Et s'il y a quelqu'un qui vient les déposer, qu'il soit sanctionné. S'il n'est pas sanctionné, ils vont continuer à déposer des immondices. Comme notre parent, notre gouvernement peut voir comment aider dans la réhabilitation de ce caniveau et les gens cessent de déposer les immondices. Que ce soit ces habitants ainsi que le chef de cette avenue, tous disent qu'ils ont déjà soumis cette question aux autorités de cette zone, mais sans succès. Mohamed Akizimana, il est le chef de la 8e avenue. Nous l'avons déjà signalé. Ces immondices ne proviennent pas des maisons d'ici. Ça provient des différents quartiers. Ces gens viennent les déposer ici et quand on les interdit, ils disent où allons-nous les déposer? Nous n'avons pas de force pour les arrêter. Nous demandons l'intervention de l'État pour enlever ces immondices et trouver une autre place. Contactez le chef des zones Buyenzi. À ce propos, il nous a dit que cette question doit être posée aux administratifs de la commune Mukaza ou à Lobuha. Merci Jean-Marie Mayonga. Les victimes du déferlement des vagues du lac Tanganyika dans le quartier Kanyengoko de la ville Rumonge disent vivre dans de mauvaises conditions. Certains sont logés dans le voisinage et d'autres restent encore sans abri après la démolition de leur maison et demandent d'être assistés. Ferdinand Nyokin, conseiller technique au développement de la commune Rumonge, conseille plutôt à ceux qui vivent encore dans la zone tampon, dans cette localité, de vider ces lieux. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Certains parmi les victimes de ces intempéries de l'aube de Solène ont déménagé ce même jour pour demander abri dans le voisinage. D'autres louent des maisons et d'autres encore n'ont pas encore eu l'abri. La démolition de leur maison étant récente, toutes ces victimes disent vivre dans de très mauvaises conditions et demande à l'administration communale de les assister. Ferdinand Nyokindi, conseiller technique de l'administrateur communal de Rumonge, chargé du développement, demande plutôt aux habitants qui restent encore dans cette zone tampon de vider les lieux afin de ne pas s'exposer à de tels phénomènes imprévisibles. Selon lui, cette zone a été bâtie irrégulièrement, malgré les avertissements de l'administration. À notre passage, des agents de la Croix-Rouge du Burundi étaient en train de désinfecter la zone pour prévenir d'éventuelles épidémies comme le choléra. Les latrines de cette zone ayant été inondées, puis ont cédé. Une vingtaine de maisons d'habitation ont été inondées à l'aube de ce lundi. Et 11 parmi elles se sont déjà écroulées. Jean-Pierre Misago, depuis Kanyengoko, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Le discours d'embrigadement de la jeunesse en vue de commettre des forfaits pour être la cause, peut-être la cause des violences de masse dans une communauté. L'expert en résolution pacifique des conflits, Adalain Atungimana, indique que les conflits entre deux communautés trouvent souvent l'origine dans les messages ou discours qui incitent à la violence contre un autre groupe de gens d'opinion contraire au Banyamul. Les messages d'embrigadement de la jeunesse en vue de commettre des violences sont des messages véhiculés par un groupe contre un autre dont on ne partage pas le point de vue sur certaines réalités. Parfois, des jeunes peuvent être instrumentalisés pour défendre les intérêts d'un groupe social quelconque. Ces messages peuvent conduire à la naissance des conflits. Adelin Hatungimana. Les conflits naissent de quelque part. Il y a une raison qui fait que le conflit éclate. Et souvent, il y a des causes dites profondes. Le conflit, avant qu'il éclate en une violence généralisée, il y a souvent ce qu'on appelle les moteurs ou les ingrédients qui font que le conflit escalade et devient difficilement à gérer. Souvent, on utilise aussi, il y a une communication dite violente. Une telle communication peut être véhiculée par des personnes qui partagent une certaine identité. Elle peut être une identité au niveau genre, les hommes contre les femmes ou inversement. L'expert donne l'exemple des faits sociaux qui peuvent être source de mésentente entre deux groupes. Il indique aussi que ces discours sont souvent prononcés par des leaders des groupes. Encore une fois, Adelin Hatungimana. Il y a des raisons culturelles, il y a des intérêts qui sont souvent partagés par un groupe et qui sont contrariés par un autre groupe. Et tout cela concourt à l'escalade du conflit. Donc, qui peut faire ça? C'est des gens qui ont un certain intérêt en commun. C'est l'exemple, c'est des conflits liés à la religion. On ne devrait pas se disputer la façon de prier, surtout qu'on prie le même Dieu. Comment prévenir de tels propos? L'expert indique ce qu'il faut faire. Il fait aussi savoir que les violences causées par ces discours de haine peuvent se limiter aux violences verbales ou même évoluer vers des violences physiques. Tous les conflits n'éclatent pas en une violence généralisée ou caractérisée, mais la violence peut se limiter à un niveau verbal, mais une violence verbale peut escalader vers une violence physique. Tout cela s'appelle violence, mais à des degrés un peu variés. Je pense que la meilleure façon d'éviter de tenir un discours ou un message ou une communication violente, c'est de l'adresser vers vous-même. Il faudrait éviter de faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas que ce soit fait à vous-même. Adelin Hatungimana fait savoir que tout un chacun peut jouer son rôle pour lutter contre de tels propos ou pour prévenir des violences de masse. Radio Isanganiro, chronique éducation. L'estime de soi et la sous-estimation d'un apprenant sont dictées par des propos méprisants de la part de ses camarades de classe, de ses parents ou de ses enseignants. Explication d'Alexine Daïziguié, expert en psychologie et d'éducation, pédagogue, révèle la nécessité d'encourager un élève, même en cas d'échec. Les détails dans cette chronique d'éducation préparée et présentée par Eline Benibigil. L'estime de soi ou la sous-estimation est une image de soi reflétée à travers le miroir et l'environnement en ce qui est des connaissances. Un apprenant peut développer l'estime de soi par le regard positif ou négatif porté sur soi-même, explique l'expert en psychologie et en éducation. En général, d'abord, l'estime de soi, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. En milieu scolaire, c'est le regard que l'apprenant porte sur soi vis-à-vis des activités scolaires. En classe, l'élève peut avoir un regard positif sur soi, comme il peut avoir un regard négatif sur soi. Même si il n'écarte pas la responsabilité des camarades de classe ou des enseignants, le psychopédagogue Ndayidiguié dit que cette situation pour un enfant dépend principalement du traitement de ses parents depuis le bas âge. Pour que l'estime de soi soit améliorée ou soit positive, ou d'un autre angle soit négative, il y a des causes. La première, c'est que la vie en milieu scolaire est indissociable de la vie familiale. Donc les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. Le regard des parents dans les initiatives de l'enfant, par exemple, lors de son exploration du milieu, est beaucoup déterminant sur son estime de soi. Alexine Daïdiguié, expert psychopédagogue, donne l'exemple des parents qui laissent leurs enfants s'épanouir en toute indépendance dans leurs propres initiatives. Dans ce cas, l'apprenant prend le courage d'engager d'autres projets plus grands que les premières initiatives. Si le regard est encourageant dès le bas âge, l'enfant va constater que ces initiatives sont fondées. Et cela va devenir son habitude de manière générale. Il aura toujours à chercher, à travailler beaucoup, à explorer beaucoup de choses. Par contre, Par exemple, si les parents lui ont adressé un regard méprisant, dans ce cas, il se fera l'idée que l'enseignant va agir de la même manière que ses parents dans ses initiatives. En apprenant qui se sent sous-estimé et caractérisé par l'indifférence ou la complexité face aux études. Mais qu'en est-il d'un élève ayant confiance en lui? Quelles sont les conséquences de l'estime ou la sous-estimation de soi pour un apprenant? Que faire pour que l'élève poursuive ses activités scolaires tranquillement, sans sous-estimation? Toutes ces réponses, c'est dans la prochaine chronique éducation. Actualité internationale. En Afghanistan, les talibans ont tué au moins 20 soldats et policiers afghans dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris auprès des responsables locaux quelques heures après un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le chef politique des insurgés. Selon le site de la Radio France Internationale, des combattants talibans ont attaqué au moins 3 avant-postes de l'armée dans le district d'Imam Sahib à Kunduz, tuant au moins 10 soldats et 4 policiers, a indiqué Saliou Halaf Amiri, membre du conseil provincial de Kunduz Nord et dans le Khuzgan Sud. 6 policiers ont été tués, 7 blessés par les talibans à Tarinkot, a confirmé Zergeh Badi, porte-parole du gouverneur de la province. Nous approchons la fin de cette édition de cette mi-journée, mais avant de la clôturer, permettez-moi de vous rappeler les grands titres. Le retard qui s'observe dans la distribution de l'engrais produit par l'entreprise FOMI serait dû aux spéculations des distributeurs selon les propos du directeur commercial au sein de la dite entreprise. Et l'afflux de vagues du lac Tanganyika a démoli certaines maisons du quartier Kanyengoko de la ville de Lumonge. Les victimes de ces vagues demandent une assistance. Et au cours de ce journal, vous avez entendu la chronique éducation à propos de l'estime de soi et la sous-estimation d'un apprenant. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa collaboration technique et merci également à Francine Diokoubaye pour la réalisation de ce journal. Festine Boutouille, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.